Bonsoir. Vous êtes à l'écoute de Bonjour Minnesota. 90.3 FM Minneapolis et 106.7 FM Saint-Paul. Radio Sans Frontières. You are listening to French Fresh Air Community Radio, KFAI, 90.3 FM Minneapolis and 106.7 FM St. Paul, Radio Without Boundaries. And the show you are going to listen to is Bonjour Minnesota. Alors, bonsoir, Olaf. Bonsoir, Caryl. Hey, bonsoir, Dana. Bonsoir, Dana. Alors, moi, je suis Caryl. Et entre-temps, nous attendons des invités qui vont arriver, un groupe qui s'appelle Alchimie. Alors, avec l'espoir qu'ils ne se perdent pas, nous allons commencer à jouer quelques CD. Et on va commencer avec un ancien, Brigitte Bardot et Serge Gainsbourg, avec Bonnie et Clyde. Que des gros soupirs à vouloir tant assouvir tout ce jeu. Ne sait quoi d'animal en soi qui nous fait prendre à tous nos soupirs. Je te dis ça sans sourire, je ne pourrais qu'en rougir. Au fond, tu n'es pas meilleur ou pire que ce qui pour moi sourit. Mais ce jeu ne m'aime pas, tu m'aimes pas. Je perds le sommeil et le sourire jusqu'à mon dernier soupir et ne pourrai qu'en mourir. Écrit sur elle et moi. On prétend que nous tuons de sang-froid. C'est pas drôle, mais on est bien obligé de faire taire celui qui se met à gueuler. Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde. Chaque fois qu'un policeman se fait buter, qu'un garage ou qu'une banque se fait braquer, pour la police ça ne fait pas de mystère. C'est signé Clyde Barrow, Bonnie Parker, Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde. Maintenant, chaque fois qu'on essaie de se ranger, de s'installer tranquille dans un meublé, dans les trois jours, voilà le tac-tac-tac, des mitraillettes qui reviennent à l'attaque. Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde. Un de ces quatre, nous tomberons ensemble. Je m'en fous, c'est pour Bonnie que je tremble. Quelle importance qu'il me fasse la peau. Moi, Bonnie, je tremble pour Clyde Barrow. Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde. De toute façon, il ne pouvait plus s'en sortir. La seule solution, c'était mourir. Mais plus d'un les a suivis en enfer. Quand sont morts Barrow et Bonnie Parker, Bonnie and Clyde. Bonnie and All right. Can you hear me? All right. We heard, first of all, we heard Gainsbourg, and we heard L'appareil à sous, meaning the slot machine. Brigitte Bardot. And évidemment, avec Gainsbourg, Brigitte Bardot. And the slot machines in France, actually, the ones that are hanging in these, in any bistrot, are not the one-armed bandits. These are machines that have little spinning wheels. And you put in your franc or deux francs or sous, and it will then, if you get something, if you get the right lineup of three rotating discs, then you've had your evening paid for. The second one, speaking of having your evening paid for, is Gainsbourg and Brigitte Bardot in Bonnie and Clyde, Bonnie and Clyde. Well, kind of a laid-back rendition of the thing. But in any case, I mean, very interesting to see why this couple has fired up so much imagination. I mean, they were just kind of, not extremely nice people that you would like to meet on the road. Un peu romantisé, peut-être, hein? Tu penses? Mais bien sûr, c'est romantisé. C'est un peu hors de loi. Oui, les hors de loi, c'est ça. Alors ça, c'était Bonnie et Clyde. Alors, nous attendons nos invités qui vont arriver bientôt. Ce sont un groupe suisse qui va vous jouer la musique. Et peut-être ils ont eu un empêchement. Mais tout de même, on va continuer avec Boris Vian Alors, qui c'était Boris Vian? Il était populaire au moins pendant les années 40-50. C'était un provocateur, un écrivain et un très bon musicien. Il jouait de la trompette, très doué. Cette chanson s'appelle Le Déserteur. C'était reprise par Peter, Paul et Mary à l'époque de la guerre de Vietnam. En français, d'ailleurs. Je cherchais et je ne l'ai pas trouvé chez moi. Mais alors, nous allons écouter ça. Et bon, ça va. Et est-ce qu'on va entendre Stromae? Oui, on peut après, écouter oui, deux. Oui, d'accord. Ou peut-être pas les trois, hein, Olaf? Non, on n'a que... Deux Stromae? Non, seulement le... Oui, déserteur des deux Stromae. Oui. D'accord. Alors, Stromae, le jeune chanteur qui est tellement à la mode maintenant en Europe, il est belge et il parle « Sa ta fête ». C'est la première chanson par Stromae. Et ça va être suivi par « Papa Oute ». « Papa Oute ». Alors, c'est vraiment touchant parce que Stromae, le papa de Stromae, a abandonné la petite famille. Alors, voilà d'abord Boris Vian, le déserteur. On m'a volé ma femme, on m'a volé mon âme. Cher passé, demain de bon matin, je fermerai ma porte au nez des années mortes, j'irai sur les chemins. Je m'en dirai ma vie sur les routes de France, de Bretagne en Provence, et je dirai aux gens, refusez d'obéir, refusez de la faire, n'allez pas à la guerre, refusez de partir. S'il faut donner son sang, allez donner le vôtre. Vous êtes bon apôtre, monsieur le président. Si vous me poursuivez, prévenez vos gendarmes que je n'aurai pas d'armes et qu'ils pourront tirer. À autrui, hein, c'est les autres.

dis-moi où est ton papa. Sans même devoir lui parler, il sait ce qui ne va pas. Ah sacré papa, dis-moi où es-tu caché. Ça doit faire au moins 1000 fois que j'ai compté mes doigts. Et... Où t'es papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es? Où t'es, où t'es, où papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es? Où t'es, où t'es, où papa, où t'es? Well, first of all, we heard Boris Vian in Le Déserteur. Boris Vian is a very controversial, well, not in his mind, but a very socially conscious person who was especially singing and singing political songs during the Vietnam War and during the French occupation of Algeria and so on. So... we heard first, and then we had heard Strome, the wunderkind from Belgium, who is sang Ta Fête, your birthday or party, and then Pop, which is a nice little song. The second one, Papa Outwe, is a little bit more tragic in that you can feel how he is trying to find out where his father is. And the father isn't there, and he's trying to connect with him. And that this feeling really comes through in his song. Well, tonight we are welcoming our guests, and it's the group called Alchimie. Alchimie. Yeah. Alchimie. With one eye at the end. Yeah. Yes. Yeah. Are we all on there here? And welcome, Alchimie. Thank yes, you thank much. You very much. Yeah. And you are how many here? Three. One, two, three. Yeah. Three musicians. Yeah. And what are your instruments? Well, we brought a guitar. Guitar. Yes. I'm the guitarist. And Nathalie is, and Selina, the vocalist, actually. Two women for vocalists yeah. and yeah. guitar also. Yeah, I do vocals also. And we went with Danny, our drummer also as well. And what is your name, the drummer? Danny. Danny, and tell us your names individually. Okay, so my name is Loan. Loan. My name is Natalie. Natalie. And me, Celine. And Céline, oh, yeah. how pretty. Mm-hmm. Like Céline Dion, peut-être? Yeah. Oh, but it was a French name much before that, I'm sure. Yeah. Well, what brings you here to the United States? We finished our first album last year, and then we released it on the internet, and 3 months after that, we've been contacted by the F5 Soundout Studio, and with the producer, Mr. Owen Sartori and Davide Rasso, and they wanted to work with us, and we wanted to do a second album in English. So we connect very well, and then that's why we're here, and we just record these days 4 songs of our second album in English. Oh, wonderful. Yeah. And are Fabien, you... avec qui est-ce que vous travaillez là? With F5 Soundout Studio. Ah bon? Yeah. Soundout Video is what it is? Soundout Studio. Studio. Yeah. Uh-huh. In Minneapolis. So you have one album already out? Yes, out. Yeah. One was in French with 2 songs, 10 songs in French and 2 in English. And then this one is going to be all in English. Oh. we already wanted to write songs in French and in English from the very beginning. But we did start with the one with 10 songs in French because I come from poetry and France is my country. So I said it would be an honor for my country that our first album is made in French. Then the second is now here in Minneapolis. The fact is that we feel musically really close to American culture, American musical culture. We have like references as Bob Dylan, Ben Harper. Simon and Garfunkel. Yeah, Simon and Garfunkel for the vocals. Oh, yes. So it was like just the way to do things, to come to the US and record an English album here, over here. Especially in Minneapolis, you know. Well, yes, Bob Dylan sang here. He was raised in the northern part of the state. He was from, his real name is Zimmerman, Robert Zimmerman. Okay, yeah. And he was from Duluth, a northern town. Yeah, we've heard about that. And yeah. He played right over near the college. Right around here. Yeah. An area called Dinky Town. Yeah. It's a little bitty town. So that's an honor to come here and do this. Yes, it is. Yeah. Tell us again, where are you from in France, Loan? Actually, we are living in Geneva, Switzerland. Oh. Yeah, we are French, but living in Switzerland. Geneva, yes. That's nearby France anyway. Comme Voltaire, non? Pardon? Comme Voltaire. Oui, comme Voltaire, c'est ça, exactement. Oui, oui. Ferney Voltaire. Et Rousseau. Et Rousseau. Et Jean-Jacques Rousseau, oui. Oui. Yeah. And it's a shame we're going to miss the 14th, the 14 juillet. Yeah. Because, you'll hear a few songs here at the end of the hour. But yeah, that's about that. There's like, we realized that we're going to have a gig the 14th of July. And what's funny about that is that we're going to sing songs, two songs in French. And one of these songs talks about, you know, the bomb attack in November in Paris. Oh, yes. And we, Natalie and I, just wrote a song and that talks about this sad thing that happened. Mm-hmm. And we're talking in this song, we're talking about freedom. And we are going to sing this song the 14th of July. In Minneapolis. Yes, so that's crazy. So crazy. For you, it's a huge moment, you know, because this song talks about how the freedom is a human right. And for us, it's more important. Yeah, very important. Yes, the November, are you talking about the one that was at Bataclan? Yes, yes. How many people were killed in that? Yeah, about 100. 139. Yeah, there was an American band playing there, I heard. Yeah. Mm. Yeah. Well, so for us, it's an honor to do this gig at Honey Bar this day. Oh, the Honey Bar. Oh, that's a great place. Yeah, we've heard about it. Yes. Yeah. For our listeners who don't know where the Honey Bar is, it's on the corner of... It's on Hennepin Avenue, and it's about two entrances south of Kramarchuk, if you are a lover of sausage, and three and one half block south of Surdijk, if you are a lover of wine and spirits. Yes. Oh. So there's taste for everyone. Well, what time will you be playing there? That's this coming 7 p.m. Thursday. 7 p.m. Yeah. As a matter of fact, we are playing as a special guest for the Paul Michel a gig. Yeah, so... Oh, wonderful. Yeah. Yeah, it's a very talented artist, and we think that he's totally committed to his music, so for us, we are thankful to play with him tomorrow. No, not tomorrow, Thursday. Yeah, Thursday. Yeah. Is he French also? No. He's American. He's an American. Yeah. He comes from Minneapolis, yeah? Yeah, he grew up in Minneapolis, but I think he's living in New York. In New York. Now. No. Mm-hmm. But we connected because he produced, recorded his album in the F5 Sound House. So we connected like this. The studio guy Owen and Davide said, "Oh, you're recording here. You can have a gig," and let me check this. And he asked Paul if it was okay to for us to play as a special guest. And it wonderful. And it worked. Yeah, yeah. It worked. And so now your record is going to be recorded under which label again? For the moment, there's no label. Yes. Mm-hmm. We are doing it all by ourselves. And we are having today the first album sold on released on a shop, CD shop, in New York and in different places in USA, by Zone Platinum and Fast Record Company. And the first album is coming out today and is already on iTunes and Amazon and everywhere. Yeah. We signed that contract with them 6 months ago and it's coming out today. Yeah. I have to play a quick announcement and then we'll hear you if you can. Yes. End of July, the Republicans and the Democrats hold their national conventions. KFEI will keep you up to date with an extra hour every day from Amy Goodman and Democracy Now! The week of July 18th, Amy will be at the Republican convention in Cleveland. The week of July 25th, she'll be at the Democratic convention in Philadelphia. Tune in at 8 and stay with us at 9 for an additional hour of updates, insights, and interviews as the major parties select their presidential candidates. Democracy Now! At the national conventions, July 18th through the 29th, here on KFEI. Programming is supported by AMPRS and the Minnesota Arts and Cultural Heritage Fund, announcing AMPRS.org. Featuring music, arts, and cultural stories, including many produced here at KFAI. Information and audio at AMPRS.org. AMPRS, diverse radio for Minnesota's communities. We're back on with our group here visiting our studio. Ajimi is going to sing for you. What is the name of this song? Grounded Me, and it's a song that we just recorded at the F5 Soundhour Studio, and it's the first time we're playing it live ever. Okay. Ajimi, à vous. Started to live my life, I knew I'll be nobody's wife. I knew I would live by the sea, where I could swim secure and free. I thought I'd be strong enough to cross the life alone and free. Without anybody's staff, no firestorm would come to me. Grounded me into your heart before I fall, before I run. I'm no longer on the chart. I feel so small, I'm overcome. Don't think I was lonely and sad. This was my choice, my goal, my flag. I claim it all without a word and never fall like a majestic bird. I thought it would last forever, but you came as a shiver to uncover my loneliness and give me what I could not guess. Grounded me into your heart before I fall. I feel so small, I'm overcome. touch without a sound. Your honesty is a promised land. It's so much more than what I found. So long ago, before you came around. Without a touch, without a sound, your whisper is coming round. Don't know what is coming on. A twister, all the love we found. Grounded me into your heart. Before I fall, before I run, I'm no longer on the chart. I feel so small, I'm overcome. Grounded me into your heart. Before I fall, before I run, I'm no longer on the chart. I feel so small, I'm overcome. Oh, bravo. Oh, yes. Oh, merci beaucoup. Yeah. Thanks. Merci. Thanks a lot. The first audience to hear this live. Yeah. You have not performed this yet. No, we just finished recording it yesterday. And all of our listeners. Actually, today we. Today. Yeah, today. Yeah, we're in studio today to finish the arrangements and the recording of this song. So, all of our listeners, that is the group called Alchimie. A-L-C-H-I-M-I. Yeah. But the American can say Alchimie. Yeah. It works too. Yeah. Alchemy. Yes, alchemy. Yeah. Alchemy. English with a Y. Yeah. That's making magic, right? Well, thank you very much. It's an exclusivity, especially for you. Yeah, we're doing our best. We're trying to do our best. Yeah, very nice song. Thank you very much. Great. Well, now, what are your plans after Minneapolis? Well, go back home. Yeah, have a rest. Yeah. The big plane is for the next summer. Yeah. Yeah. Well. Yeah. Yeah. Well, first we're going to have like a rest or going on vacation, and then we're going back to work to write the sixth last song of the album. Yeah, to get ready, because we are planning to come over here next year to finish the album and then make a tour, like a Midwest tour. In July. In July, August, yeah. Maybe. Yeah. Yeah, it's not... the date is not but already. But it should be, yeah. Yeah. It should be. The thing is that we are discussing with all this mostly today with a Five Sound Hour Studio with David Erazo, and then we will finish the album and then release the album, then make a tour from 5 to 7, maybe 12 dates. And all of this is coming with that studio. We're working with them very well and with the musician that they bring us. Because for the moment we are not that known, so it was too expensive to come with musicians from South. So we found musicians here, and they were so gorgeous. Then, yeah, then we're going to carry on working with them. So the album is going to be with the same one and with the same producer and the tour also. Yeah. Well, that is so exciting. Yeah, that's true. Now you know everything. We about also, and to our audience, you were there for their first appearance. We'll tell them again now. When are you performing at the Honey? That's the 14th of. That's this coming Thursday. Yeah, this coming Thursday at 7 p.m. at the Honey Bar. Honey Bar. Yeah. It's downstairs from the Ginger Hop Restaurant, I believe. Yeah. Okay. Mm-hmm. And there is some dancing there. I think so. Probably just maybe listening. Yeah. More questions? Who does the lyrics and who does the composition? Yeah. Loan is doing all the musical part. Oh. I'm doing all the lyrics, and I'm working on the vocals melody also with Loan and Celine, and then we do all the vocals arrangement together. Yeah. So we're working like this. How did you all meet and come together as a group? Yeah, come on, Celine. Oh, I'm sorry, I just... Can you repeat the question? How did we meet? How did we come together? I think, you know, in life you have a special moment, and Loan wants to do music. Me, I want to do the singing. and Natalie was singing for a long time yeah. before we met. And we met one day, and the alchemy, yeah. you know, the magic came through. Came up. And we create this band because for us it's three voices, three colors, and one sound. And this is not our story, you know. Mm-hmm. Yeah. Well, can we hear something French? Oh, bien sûr. Mais bien sûr. Alors bienvenue. Pour tous les Français de Minneapolis, bienvenue. Comme vous l'aurez compris, notre langue maternelle est le français. Exactement. Bien sûr. Même si on fait des efforts. Hein. Alors, et puis, on est vraiment très très contents d'être là. En fait, c'est pour nous, c'est un rêve qui se réalise. Oui. C'est vrai qu'on est vraiment en plein démarrage de notre carrière et on rencontre petit à petit des gens extraordinaires au fur et à mesure du parcours et on s'estime vraiment chanceux, quoi. Ouais. Donc c'est la première fois que vous êtes aux États-Unis. Exactement. Oui. Vous êtes venu directement ici à Minneapolis. Oui. Exactement. Bon. Pour la première fois. Bon. Ouais. Il y a l'Alliance française ici qui est très très bien aussi pour promouvoir les autres artistes. Oui. Ah, oui. C'est vrai que oui, on en avait parlé pour d'autres pays aussi, mais c'est super. On connaissait pas. Parce que c'est une idée que vous venez d'émettre qui est très bonne. On va y penser sérieusement. Alors cette chanson en français. Une chanson en français. Oui. Ou peut-être bord à bord. Elle est trop longue. Ah. Liberté. Liberté. Ouais. Ok. On va chanter la chanson qui correspond au 14 juillet. Oh. Alors, ouais. Comment s'appelle la chanson? Liberté. Elle a été écrite en 24 heures à la maison après les attaques à Paris. Le titre complet, c'est Liberté pour Paris et le monde entier. Liberty for Paris and the whole world. Yeah. Lauren on guitar, Danny on percussion, and the two vocalists, Céline and Nathalie. Liberty. Jamais ne succombe l'essence de nos vies. Répondre à la terreur que la vie est un droit. Notre liberté n'a pas de prix. Au pays de Montaigne d'Alexandre Dumas, et même si nos cœurs saignent dans l'anonymat, que personne ne craigne les changements de climat. C'est dans notre ADN d'être libre ici-bas. C'est très joli. Merci. Oh, merci beaucoup. Thank you very much. Merci. Merci. Beautiful. Uh-huh. Well, we'll keep you here longer, but we want to respect your time. On veut Thanks. Vous laisser partir s'il faut. Non, c'est, that's a pleasure. C'est un plaisir. C'est notre plaisir. Oui. Oui. Mais en tout cas, on vous remercie infiniment pour votre invitation. On est très touchés. Oui. Pour nous, c'est un moment bien particulier pour toutes les raisons qu'on vous a expliquées auparavant. Mais venir comme ça aux États-Unis et puis avoir l'opportunité de faire une radio dans Minneapolis, évidemment, c'est un petit peu le rêve de tout musicien, vous voyez. Je suis d'accord avec toi. When did you arrive? We arrived last Thursday, I think. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. And we just on Friday we were already in the studio. To record the basic scratch guitars for the musician to practice, and on the weekend we just hanged around downtown. We visited downtown, yeah, and especially the First Avenue. You know, there was an open street at Uptown. The First Avenue. It's Uptown area. No, many French names of streets. Okay. Yeah, because they were explorers that came here. Yeah, we moved almost everywhere in Minneapolis we could do in a weekend. Yeah, yeah. And get back to work on Monday. Yeah, yeah, to record with all the musicians, and today we just overdubbed. That means we just put some other instruments on the recording, and we're. Yeah, and now we are here. And now we're here talking and speaking to you. What other instruments are you using in your group? Oh, many. Loan plays a saxophone, clarinet, percussion, bass, and electric guitars. But on stage, he cannot do all of those. So we are having a bass player, a keyboard player, an electric guitar player, a second acoustic guitar player. That is sometimes when he feels like it. Doing some background vocals, and then we are having Hurst Tree on stage, and Danny, our drum player, that has come all the way from Catalonia to come here. One little announcement here. KFAI is a proud sponsor of Groovin' in the Garden every Wednesday through August 3rd at Como Park Zoo and Conservatory. Groovin' in the Garden features great Twin Cities musicians, plus activities for the entire family, including a climbing wall, a bouncy house, and lawn games. The Katie Vernon Band will be performing on Wednesday, July 6th. Music starts at 6 o'clock. Information is available online at comozooconservatory.org. Ils veulent français. Bon rapport. Quelles sont vos impressions aux États-Unis et Minneapolis? Moi, je suis tombée amoureuse. Complètement. Oui, on est vraiment agréablement, je dirais, surpris de l'ouverture des gens, de l'accueil qu'on reçoit. C'est ça. Les gens sont enthousiastes. Ils sont gentils, accueillants. They're willing to meet. Cette ville est fantastiquement belle. Yes. Vraiment, elle est carrément magnifique. Moi, je suis complètement tombée amoureuse de cette ville. Je me baladais partout, j'avais les pieds presque, j'exagère, en sang. Enfin, j'avais très mal aux pieds. Et je ne voulais pas rentrer parce que j'étais là, c'est trop beau partout. Les gens sont tellement gentils. Et ils sont toujours en train d'essayer de... Ils apportent de la joie, quoi. C'est un autre état d'esprit. Mais il paraît qu'il fait très froid en hiver. Alors, on... January. In janvier, January. Au mois de janvier. Ah. C'est oui. pour ça que nous revenons en juillet, en yes. fait. Arrangez okay. bien de venir au mois mais de janvier. Il faut aussi aller à Saint-Paul. Oui, nous on sommes allés à Saint-Paul. On est Pardon on y est allé. Oui, ah, vous êtes allé, oui. C'est magnifique, magnifique. Où ça? À Saint-Paul. À Saint-Paul aussi, oui. c'est la ville capitale, oui. Mm. Et vous avez vu le théâtre Guthrie? Non, c'était... C'est sur Mississippi avec une... C'était l'ingénieur... Non, comment c'est dit? Architecteur. Architecte, il est Jean Nouvel. Mm-hmm. C'est lui qui a français. Il a fait l'Institut du monde arabe. Du monde arabe, exactement. Ah, ah oui, oui. OK. Oui, alors on n'est pas resté assez longtemps pour visiter tout ça. Mais ouais. On a vu la basilique, mm-hmm. le Mississippi. Ah ouais. Mississippi. Oui. Hein. Pour nous, des Français, c'est quand même a dream come true, hein, de voir le Mississippi. C'est voir le Mississippi et mourir. Mourir. Ok. So, la prochaine chanson. So you have something? Oui. Il y a quelque chose? Oui. Oui, oui. La prochaine chanson s'appelle Bora Bora, en fait. Comment? Bora Bora. Bora Bora. It's Bora Bora. Our story. Yes. This one is our story. It's the story of the Austria. Yeah. Mm-hmm. Quand l'hiver fait rage au bord des océans. Quand se noie la page au milieu du néant. Quand nos actions s'échouent sur un roc dans la boue. Quand le chant des sirènes se joue des goélands. Nous sommes de simples kilames aux notes souveraines. Un bateau en flamme au blues du capitaine. D'une même trame où la musique est reine. De cette grande dame jaillit nos joies, nos peines. De raccord en désaccord on s'aime, Bora Bora, des accords puisque l'on s'aime. Et même si l'on a tort, et même s'il fait froid dehors, on continue quand même la musique qu'on aime. Puisque l'on s'aime, puisque l'on s'aime. Descendu d'un nuage, nous sommes des hommes d'équipage qui sonnent la note du rivage des hommes. Le cœur où la musique résonne. Toi qui as versé des larmes controversées, qui marche à contre-temps des rythmes envoûtants. Dans l'écume et le vent, entend la clé des champs qui descend dissiper les brumes de ton passé. De raccord en désaccord, on s'aime. Bora Bora, d'accord puisque l'on s'aime. Et même si l'on a tort, et même s'il fait froid dehors, on continue quand même la musique qu'on aime. Puisque l'on s'aime, puisque l'on s'aime, de bémol à la clé, en note diminuée, sur des tempos musclés, sans discontinuer. J'entends désaccorder ces vieilles tonalités, jouvant celles défardées aux nouvelles acuités. Dans ce bateau d'Éden, aux flammes accordées, de musique urbaine en simples embardés. Le groove du capitaine au rythme bien calé nous a conduits sans peine sous un ciel étoilé de raccord en désaccord. On s'aime bord à bord, désaccord puisque l'on s'aime. Et même si l'on a tort, et même s'il fait froid dehors, on continue quand même la musique qu'on aime. Puisque l'on s'aime, puisque l'on s'aime. Puisque l'on s'aime. Oh, bravo, bravo. Ça, c'est formidable. Il faut que nous, on parle en l'heure, là, pour la radio. Vous êtes à l'écoute de Fresh Air Community Radio KFAI 90.3 FM Minneapolis et 106.7 FM Saint-Paul, Radio Sans Frontières. You are listening to Fresh Air Community Radio, KFII, 90.3 FM Minneapolis, and 106.7 FM St. Paul. Radio without boundaries. And we are at the top of the hour, 9 p.m., 21 heures, ici, temps central, heure centrale. Et à Paris, c'est 4 heures du matin. Donc Paris se lève là. Oui. Se... Ah, magnifique. Vous avez un peu sommeil encore. Ça va. Non, mais cette chanson était vraiment très poétique. That was beautiful. Et j'aime la mixture of voices. La guitare, c'était vraiment très doux comme. Oui, merci beaucoup. Non, c'était vraiment très très bien. Celle-là, c'est une de mes préférées. C'est le bijou, le chef-d'œuvre de Nathalie. Oui. Pour moi, c'est la haute voltige de la poésie. Non, j'adore. Voilà, justement, vous avez dit que la poésie vous intéresse. Et quel est votre rapport avec la poésie Quand j'étais petite fille, mon père m'a offert un livre qui s'appelait Les yeux d'Elsa, d'Aragon. Et j'écoutais Jean Ferrat chante Aragon. J'écoutais toute cette trempe Brassens et je me suis vraiment imprégnée de cette musique et je l'ai adorée et je lisais énormément de poésie, Victor Hugo et tout ça. Puis un jour j'étais archi nulle en dessin et mon prof de dessin me dit fais un oiseau, et puis je savais que ça allait être la catastrophe totale. Alors j'ai fait un poème pour pas avoir une mauvaise note. Du coup, il s'est aperçu que d'après lui, il y avait quelque chose. Et puis c'était le président de l'Académie des peintres et poètes du Var et de France, qui est décédé maintenant, et il s'appelait Monsieur Roger Escoffier. Et il m'a pris sous son aile et formé pendant 5 ans à la poésie. Et il m'a fait faire des concours. Mais comme j'étais trop jeune et que c'était des concours adultes, on avait un petit peu biaisé l'histoire. Et je le faisais sous une devise qui était à cœur vaillant, rien d'impossible. Et je les ai gagnés ces concours alors que j'avais 12, 13, 14, 15 et 16 ans. Ouais, elle a voilà. Nathalie, elle a un vrai talent pour faire sonner les mots. Oui. C'est-à-dire qu'elle choisit le sens et la musicalité du mot. Donc, vraiment, les deux voix, les deux femmes, c'était formidable. Ça, c'était les mots, là, le rythme, le sens, tout ça. Alors, c'est très facile de mettre de la musique dessus. Merci, Loan. Waouh. Mais dis donc, est-ce que je me trompe ou est-ce que j'ai aperçu qu'il y a maintenant une période pour la chanson française où effectivement on comprend les mots? Ça, c'est comme avec Brassens, Ferrat, Arago et autres. Il y avait une période où il y avait que des cris. Il n'y avait pas moyen de savoir de quoi il parlait. C'était seulement des gueulades. On a un peu perdu cette culture et puis elle est en train de revenir. Les gens sont en recherche de sens, en fait. Oui. Voilà. Et c'est vrai que c'est pour ça que des auteurs et des compositeurs et des musiciens émergent, en fait, en exprimant des messages assez forts, finalement, que ce soit par des textes poétiques plutôt comme Nathalie, ou des textes avec une culture plus peut-être rap ou hip-hop, mais il y a du texte qui vient. C'est-à-dire qu'on cherche du sens, en fait. Oui, exactement. Mais ça, c'est l'histoire de la chanson française. Ouais. C'est François Villon. C'est ça. Depuis François Villon. Oui, bien sûr. C'est mon poète préféré. Oui, il est aussi très fort dans notre cœur. Ouais. Mais j'espère vraiment que tous les artistes... Mais il y a une mouvance qui revient, et ça, c'est vraiment bien, parce que la poésie, c'est vraiment quelque chose qui permet d'exprimer l'âme. Et quand c'est beau et que ça vient du cœur, c'est la langue française, c'est notre culture, et elle est magnifique. Et l'exprimer en chanson, c'est ce qu'on peut faire de mieux, c'est comme un peintre. Il faut retourner vraiment vers le sens et le son des mots et les choisir, et plutôt que de prendre ça comme un état laborieux, prendre ça vraiment comme une danse. Oui. Alors on essaie de faire ça aussi avec l'anglais. Ouais. Oui. Voilà, de faire de la poésie en anglais. Et F5 Sound au studio, ils ont parfaitement bien compris ce message. Voilà. Du coup, on s'est retrouvés dans un environnement vraiment très accueillant et paisible, avec des gens vraiment très intelligents qui comprennent la musique et qui sont pour la musique. Du coup, pour nous, ce deuxième album, ça va être... c'est magique. On est bien là où on est. For English-speaking people out there, Nathalie just said that they found people here very intelligent and receptive to hear their music. Yeah. And they're really enjoying their stay so far. Yeah, exactly. And we will hope that you can come back again. Sure, for sure. But we fell in love with your town, so as soon as you're in love with a town, you're obliged to come back. Yeah. That's right. I think we're seeing the birth of a new group here. It's going to be important. Yeah, it's going to be a pleasure. So who of the American singers do you like? I mean, Bob Dylan. Oh, there's many, so many, but the most important for us is Simon and Garfunkel. Okay. For the vocals, because they had like amazing vocal melodies. And the meaning too? What? And the meaning? The meaning of the songs also. Yes. Yeah, and Bob Dylan, obviously. And Tracy Chapman. Tracy Chapman. Ben Harper. Ben Harper. I particularly love Ben Harper's music, because I've learned guitar with his music. And I feel very close to the folk and the folk and the blues he plays. And this, What about Seeger and Keith Seeger? Seeger. Mm-hmm. Yeah. We don't know about it. Oh, then you have to dig that one out then. Yeah, sure, we'll do. Pete Seeger? Pete Seeger? Yeah, we don't know. Okay. Yeah, he also, he was not as abrasive as Boris Vian. Okay. But he was a protest singer. Okay. Yes, very nice, yes. For sure, we're gonna have a look. Buffy Saint-Marie? Oui. She is an Indian, I mean Native American or Native Canadian. Okay. And they there was a time when they were also very popular. And then the same thing happened as in France or in Germany, I think. I mean, then people were just kind of, what should I say? They were just groaning, and then you couldn't understand anything. And all that counted was some loud noise and beating on whatever it was they were beating on. So, but, you know, I also hope that you will have a good introduction and then find counterparts, I mean, in music. Mm. Yeah. For the moment, we've been amazed because when we released the first album that is mostly in French, has only two songs in English, we receive a huge, nice response from the USA with a French album. Can you imagine this French album is going to be sold? Is being sold now in the US. And the F5 Sandow Studio, they called us, and many others came to us, and we got fans from the US a lot. We got many, many response from the US. Actually, actually a lot more than in Europe. Yeah, a lot more. Yeah. That and sounds strange. Yeah. How would we find your album? Would it be on Amazon? Or? Yeah, Amazon, iTunes. iTunes? Yes. And yes. What is it called? Chercheur d'or. Gold digger. Sounds better in French. And here you are for getting gold. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah, and being so happy to be here. American dream. No, we are really, really, yes, pleased to be here anyway. Yeah. And it's a great pleasure. Yeah, we had like only, yes, great times since we arrived. And I hope it will last until we go back. How long are you going to stay here in the Twin Cities? Until Sunday. Yeah, we're leaving on Sunday, Sunday evening. Mm-hmm. Yeah. Right. Well, perhaps the people you know here can introduce you to some other, right down the street from here is the Cedar Cultural Center, which plays new talent. Okay. We hosted once Paris Combo. Really? Yeah. They played in the Cedar Cultural Center. Yeah. Yeah, really nice music. I love this music. Qui pourra. Mm-hmm. Lojo. Lojo is over there. Mm-hmm. Okay. Lojo. Mm-hmm. Maybe they don't know Lojo. Lojo, no, but no. Je ne sais pas qui c'est. Tu sais, toi? Non. OK. Not at all. Bon, on a des choses à découvrir encore. Oui, for sure. Well, we thank you so much for coming and visiting us. Thank you. Thanks. And your sound is terrific. Thank you. Wow. Thanks for the invitation. And for this moment, yeah. Yeah, that's our first live radio. Actually, we hope it won't be the last. Yeah, no, I hope so. Perhaps you might need a publicist over here too. Yeah, we have a PR. Frédéric, she's here. Yeah, she's doing a great job, mm-hmm. And we are searching for people to build a big tour with us and F5 Sandow Studio, because the collaboration is so great that we are going to continue this collaboration, and we need some people to be able to get on a big stage, summer festival and stuff like that. So the announce is made now, and I hope you're not upset with me. I'm listening as some promoter that would like to meet you and hear more of you. But you should how would we contact you? Cedar from the saddle. Yes, we have a Facebook account. Oh, you have a Facebook? Okay, and our PR will leave the address to the radio station. Mm-hmm. KFIA. I don't know. All kinds of people listening. KFIA. Yeah. And for the people that want to listen, the first album is on SoundCloud, and it's www.soundcloud.com/alchemy music. No, alchemy. Alchemy. It's okay. A L C H I M Y. And Liberté is free download. Free download, yeah. On SoundCloud. Okay. Oh. Yeah, because for us it's a gift. Yeah. For our followers. Yeah. Do you have a copy of it now or not yet? Of the. We don't have it here. A copy of the CD. A CD? The CD. No, actually, we didn't come with any CD. But everybody can find our music online on SoundCloud or iTunes or Amazon. A Reverb Nation. Yeah, Reverb. Facebook. We would like to play some of this. What we can do is send CD over to you. Yeah. Yeah, this would be very nice. To Dana and then. Sure. Yeah. We have the computer here, so you can. Yeah, can so we can CD send it to you. You will receive it by the end of the week. Okay. Sure. Thank you so much. Welcome. And I wish you all much great luck and success. I think it's coming. May God hear you. Thanks a lot. Yeah. And we will play Un Brin de Passion from your SoundCloud as you guys leave to wish you good luck tonight. Yeah. Thank you. Thank you very much. À très bientôt. À très bientôt. Au revoir. Bye bye. Au revoir et merci. Merci infiniment. Yeah. Thanks. Au revoir. Au revoir et bonne continuation. Merci. Well, we're having trouble picking this up off of the. It's online, where you can hear it at home. How did they look for the. Dana, you perhaps know. How do people look for this online? Go to Google and type in Alchemy, A-L-C-H-I-M-Y, and you'll get to their SoundCloud page where they have lots of songs. What are we going to hear next? Eh bien, on va écouter quelque chose pour le 14 juillet. Et c'est Nana Mouskouri qui va vous chanter Liberté. Voilà. Et c'est d'après Nabucco par Verdi. Et ça va être suivi par le Symphonie de Détroit avec la Marseillaise. Quand tu pleures KFAI is a proud sponsor of the 11th annual Bayfront Reggae and World Music Festival, Saturday, July 16th at Bayfront Festival Park in Duluth. For all of my friends. Performers include Spraga Benz, Maxi Priest, Rupee, Half Pint, and more. Complete lineup and additional information is available at BayfrontReggae.com. Support for KFAI comes from The Electric Fetus, your local record store for over 48 years. Now paying cash for used records in excellent condition. The Electric Fetus, 4th Avenue South at Franklin or at efetus.com. Alors, merci beaucoup à nos invités, le groupe Alchimie, qui va être, well, I'll say this in English so that everybody can go. The group Alchimie will appear next Thursday, this coming Thursday, which is le 14 juillet. It's a French holiday. And they will be singing at Honey, which is the right next to the, what's the name of that restaurant? The I just said it a while ago. It's on Hennepin and Ginger Hop. That's right. And they're a new talent, and I think they're going a long way. A beautiful group. Alors, on va continuer avec la musique. Qu'est-ce qu'on va écouter? Ah oui, le quintet. Je ne sais pas quel quintet, mais ça me dit quelque chose. Je crois que c'est le quintet du Hot Club. Est-ce que tu te rappelles ça, si c'était ça, voilà? Je crois que c'est avec Django Reinhardt et Stéphane Grappelli. Et après cela, on va écouter Serge Gainsbourg aux armes, etc. Voilà le quintet. To the Lord's anointed, great David, greatest son. Hail in his times appointed, your reign on earth is now. You came to break down oppression, to set the captive free. Drive away transgressors and to rule equality. Equal rights and justice stands for I and I all. And all those that love Satan's kingdom must fall. Let hands and heart be pure and clean to rally round the red, the gold and the green. Come on, all you children of the nation. The day of glory is now at hand. We see the bloody flag. Sing a song. Pick up your arm and come. Sing a song, etc. You want and come. I know Mr. Man never been here to sing the high. If he's seeking and he's seeking for a high. I see his eye. What he want to I see his eye. Feel that far right, man, on high see his eye. And in that day the righteous shall gather together singing joy of redemption, joy of song of love. And in that day the righteous shall come together, and all the wicked shall crumble in the presence of the Most High. Sing a psalm, cup your arms and come. Sing a psalm, etc. Take your arms and come. If love is the key of life, then let's live on. Make love out of the east, man, we make it on the north. Over out of the west, man, we make it on the south. Sing a song. What he hides is mine. Sing a song. from the day that I was born. They were singing on the club, sing along. They see the bloody flag rise. They take away we children, they take away your sons. Lying in your arms, see they take away your woman. Take up your arms and come. Cause if we want a solution, then we need a revolution. Want a solution, man, we need a revolution. A revolution of the minds. Revolution of the minds. Yeah. Why can't we come together? Why can't we stay together, man? Want a solution, man? We need a revolution. Want a solution? Say we need a revolution. Oh, Olaf, juste une minute ici. Olaf, tu es au numéro 5. Te voilà. Tu peux nous dire ce qu'on a entendu? Ah oui, on a entendu en anglais. Avec, je chante avec toi, Liberté. En anglais. we heard Nana Mouskouri in... Je chante avec toi, Liberté. I sing with you, Liberty. And this is kind of, according to the choir of Nabucco by Verdi. And then we heard the Detroit Symphony with La Marseillaise. And the last one, very animated rendition by the Quintet. And this is almost Django Reinhardt type rendition of the La Marseillaise. Merci bien. Et maintenant, on va continuer avec notre hommage au 14 juillet, on va écouter Volo. Il va vous chanter Allons enfants. Et ça va être suivi par Philippe Clay, Bleu, Blanc, Rouge. Et encore Philippe Clay, Place Blanche. Allons enfants de la fratrie, des pages d'histoire à espérer contre nous, de la tyrannie, des étendards à élever, entendez-vous dans leur campagne rugir leurs féroces slogans, et dans nos villes et nos campagnes, nos espoirs réduits à néant. Allons enfants de la fratrie, des belles victoires à partager contre nous, de la tyrannie, du désespoir à supporter, entendez-vous aux armes citoyens. Allons enfants de la fratrie, des contre-pouvoirs à exercer contre nous, de la tyrannie, des jours de gloire à honorer, entendez-vous dans leur discours surgir leurs funestes desseins, et dans nos villes et leurs faubourgs la misère gagnée du terrain. Allons enfants de la fratrie, des pas vaincus rêvant encore contre nous, de la tyrannie, de la loi du plus fort, entendez-vous aux armes citoyens. KFAI is supported in part by Southside Pride Monthly Newspaper. Locally owned and operated in South Minneapolis, Southside Pride celebrates the racial and cultural diversity of the Southside and serves the Phillips, Hiawatha, Seward, and Cedar Riverside neighborhoods. Information is available at southsidepride.com. Programming on KFAI is supported by Summit Brewing. Announcing the release of Summit 30th Anniversary Keller Pils, a traditional unfiltered German lager with honey malt undertones and hop aromas of spice, flowers, and citrus. info@summitbrewing.com. Un vieil accordéon chante dans la ruelle. Un vol de goéland valse dans le ciel bleu. Une fille plus très jeune, une fille pas très belle, mais qui l'a peut-être été, chante au matin d'été. De bleu, de blanc, de rouge, il est vêtu, mon matelot. Il est mieux foutu que leur drapeau. Il a les dents blanches et les lèvres rouges et le regard bleu. L'accordéon s'est tu, les oiseaux sont partis. Peut-être pour Honolulu ou bien pour Tahiti. Tout l'hiver il a plu, le vent a gémi, la fille a dit oui à tous ceux qui ont voulu. De bleu, de blanc, de rouge, il est vêtu, mon matelot. Il est mieux foutu que leur drapeau. Oui, je sais la fille. Il a les dents blanches, les lèvres rouges et le regard bleu. Mais ça fait 2 heures qu'il me dit la même chose. Alors bois ton verre, et puis tous les deux, allez. Voilà le printemps qui revient et les oiseaux paraissent. Les bateaux, les marins brillent dans le soleil. La fille est au bistrot, le patron dans sa caisse, dès qu'elle s'en va de la caisse, et même du ciboulot. De vin blanc, de vin rouge, elle lui a foutu un beau drapeau. Elle s'est tuée d'un coup de couteau. Un matin de dimanche, le soleil était rouge et le ciel tout bleu. C'était pas beau à voir. Puis ça a fait toute une histoire. Et comme d'habitude, le temps a passé. Et personne n'y a plus pensé. Si, un jour, un marin. Salut, patron. Eh ben, un rouge, comme d'habitude. Elle est là. C'est pas vrai. Place Blanche, il est très tard, je pense à toi, Francis. Rien de changé, vois-tu, la place porte toujours ton nom. Place Blanche, où me voici, telle que j'y étais jadis, pensant à des amis qui faisaient des chansons. Place Blanche, c'est là aussi que Prévert et Boris demeuraient tous deux là-haut, à l'ombre du moulin. Place Blanche, quel drôle d'endroit pour dire un des profondis. La frite et les putains font tort à nos chagrins. Place Blanche, n'importe où, le noir est en coulisses. La Camarde annonce encore ses mauvais canulars. Place Blanche, devant mes yeux, un triste agent de police fait circuler des morts trop cons pour le savoir. Place Blanche, il est très tard, je pense à toi, Francis. Et à tant d'autres amis qui faisaient des chansons. Place Blanche, la neige tombe, déjà mes tempes blanchissent. Il y a vraiment des places qui portent bien leur nom. Il y a vraiment des places qui portent bien leur nom. IP House is proud to provide internet streaming of KFAI Community Radio. The internet professionals at IP House provide answers to your hosting and access questions. More information from these friendly geeks is available at iphouse.com. right, we heard Volo in some kind of an adaptation of Allons Enfants, somewhat mangled, but that's his problem. And then we heard Philippe Clay, Bleu, Blanc, Rouge, of course, which are the colors of the French flag. And let's see, the American flag is red, white, and blue. Red, white, and blue, and this is bleu, blanc, rouge. So it's the other way around. C'est quoi la signification des couleurs? Pardon? Est-ce que les couleurs signifient quelque chose avec oui. le drapeau? Bleu, la noblesse. Je crois. Hein? Mm-hmm. Je ne suis pas tellement sûre. Hein? Mm. Que tu me demandes? Peut-être un de nos auditeurs peut nous appeler pour dire. Appelez le studio. If somebody knows on the studio bien. Line, you could call 612-341-0980 while the music's playing. Our next song, just give us a call during the music playing and let us know if you know the significance of the colors of the French flag. Well, it's bleu, blanc, rouge, and the American is... red, white, and blue. Red, white, and blue. But that's, you see, this is the always. The French always turn things around. Like if you talk about United Nations, you know, they call it UNO, ONU. ONU. And, UNO. How about some announcements here? What's going on around town? Well, we had a terrific Bastille Day party over at Landmark Plaza, and we three were there. Thank you. And for thank everyone. You for stopping by, mm-hmm. all of you who said hello to us. It was a lovely day. Yes, and thank you, Saint-Pierre, for the weather that we had. It did not rain, at least, yes. as we were outside giving away little goodies and station can covers and chocolate Euros and Mr. Machachos, which was an original little guy made of... Le mascotte officiel de Bonjour Minnesota, conçu par Manon Bélanger. Yeah. With big googly eyes. Mm. Well, that film festival is starting soon. And one of the first ones, this is the French Film Festival called Lumière Française. And there is a great one. I would love to see this. This is called April and the Extraordinary World. It's going to be playing Sunday, July 17th at 1 p.m. and Wednesday, July 20th at 7:15. It is by the Academy Award nominated producer of Persepolis, which many of you must have seen. This is going to be all at the film festival down on, let's see, that's Main Street Cinema, is that what's called? Main Street, yes. Mm-hmm. Yes. You can buy tickets for the whole thing or just for one alone. And if you mention that you are a KFAI listener, you get the special discount. That is correct. The KFAI same discount. Member. Or a member. KFAI member. Member. Bring your card. I mean, just bring listening. You need to bring your KFAI member card to get the same discount as a Minneapolis Film Society. Or their member, member discount, which is actually considerable. Mm-hmm. That's true. Another one coming up, Sunday, July 17th at 5:15, and Wednesday, July 20th, 5 p.m. It's called Astragal. It's Brigitte C., fiercely intelligent adaptation of the 1965 semi-autobiographical novel by Algerian-born Albertine Sarrazin, which is vividly brought to life by Leila Bekhti, the life of a young woman in the margins. Then this one, now this has certainly got me mystified. It's called The Brand New Testament, and you see a family standing behind some shrub and a huge gorilla by them. It says here under the notes, God lives. He lives in Brussels, and he's a petty tyrant to his wife and daughter. When his daughter spies the right opportunity, she hacks into his computer and leaks to the entire world via a text message their inevitable date of death. Oh, that would be terrible. What follows is Jaco van Dommeil's witty and eccentric answer to a loaded question: what would you do if you knew exactly how much time you had left to live? That will be playing July 17th, Sunday at 5:15, and Wednesday at, only on Thursday, July 21st at 7 p.m. We'll tell you more as they go along. Many things going on at the Alliance, but would you like to hear another song first? Mm-hmm. Okay. Oui, oui. Il y a des chansons. Oh, here there. We are. Mm. Well, we can just do this quickly. What's going on around the Twin Cities? The French American Chamber of Commerce is looking for an executive director. It's a part-time position, averaging 20 hours a week. You can work from home except for one meeting a week on the average. You get salary, expenses, and bonus. Fluency in French desired, but not required. Oh, there's all kinds of things going on for the Apéro en Français. That's this coming Thursday from 6 to 7:30 at the University Club, 420 Summit Avenue. Join the French speakers every second Thursday of the month from 6 to 7:30 at the University Club. And that's on where, Olaf? The University Club? On, is that on Summit? Summit and Grant Hill. Yes, it's just before the big hill goes down. Right. There is an exposition of painting through July 16th. Dessins en Liberté, drawings on display at the Alliance, presented in collaboration with the Consulat Général de France. And, terrible. Tout en faisant écho des attaques contre la rédaction de Charlie Hebdo en janvier 2015, Dessins en Liberté propose d'élargir la perspective en illustrant la manière dont la liberté d'expression s'exerce effectivement aujourd'hui sur tous les continents. So, a show of drawings. This was after the satirical newspaper Charlie Hebdo was attacked in 2015, and it's called Drawings of Liberty, how liberty is expressed in many different countries and many continents. Drum class with Ghana Mbai, Senegalese percussion, Friday, July 22nd from 6:30 to 8:45 at the Alliance. From the streets of Dakar, Senegal, comes Ghana Mbai and his debut release, Bai Fall Djembe. Space limited, answer before July 13th to receive a discount. Special price for members. Summer classes will start, that'll be the last week. They have everything. I think I won't go through them, just a couple of them. They have classes for 5 weeks, intensive and regular. They have special classes for shortened, Moi avec Colette, on Mondays for 4 weeks, and La Gastronomie et la Culture Française with Deborah for 3 weeks, French for Travelers on Wednesdays, July through August. Well, why don't you check out the website? That's afmsp.org. Uh-huh. Also, a one-day workshop. Teachers of French, you may use all of these things for credits for renewal. Bienvenue en Suisse romande on Saturday, one day, July 9th. Oh, that's gone. But you still have time to sign up for Pâtisserie 101, Éclair and Friends. that will take place on Saturday, July 16th. Many things for children, and there are special reductions if you have more than one child. It starts with beginning one level for students on up to teenagers. And that's about it. Oh, yes, here's a couple of other announcements. It's the Sister City Day at Nicollet Island Pavilion. Tour is the sister city of Minneapolis, and there will be a big get-together July 17th from 1 to 5, and that will be the 25th anniversary of the partnership, of that partnership. And so come and meet people and have refreshments, free ice cream sundaes. Nicollet Island. Et voilà, c'est tout. Revenons à notre musique. Hmm? Pourquoi pas? Bon. What's alors, next? Voilà, Piaf. Ah oui, c'est Edith qui va vous chanter Sous le ciel de Paris. There's also the Bastille Day celebration at Barbette on the 16th, I believe. Really? What do they do for there? That's the restaurant. There's a bunch of bands playing and... special food? I think there may be some special food, but there'll be bands and some performances outside. I don't know how culturally French it is, but it is always a good time. Okay. Well, let's see here. We need to get up, Edith. Quoi d'autre? Don't forget, so we do want to thank everyone who came to visit us at the Bastille Day celebration at Landmark Center that the Alliance Française put on. And we also want to thank our special guests this evening, Alchimie, with their in-studio performance. If you're just tuning in right now, you can listen online at any time on your computer if you go to kfai.org/bonjourminnesota. And the last show will be... in our archives. I do have a special one I'd like to play for you by Piaf. Mm-hmm. Le Ça ira. C'est une chanson qui date de la Révolution française. Ah. Chantée à cette époque. C'était dans ce film célèbre qui s'appelait Si Versailles m'était compté. Alors voilà Édith Piaf et Le Ça ira. Qui nous promettent qu'on va nous accorder du pain. La 300 ans qui donne des fêtes et qui entretiennent des cadins. La 300 ans qu'on nous écrase, assez de mensonges et de phrases, on ne veut plus mourir de faim. Ah, ça ira, ça ira, ça ira, les aristocrates à la lanterne. Ah, ça ira, ça ira, ça ira, les aristocrates, on les pondra. La 300 ans qui font la guerre au son des fifres et des tambours. En nous laissant crever d'une misère, ça ne pouvait pas durer toujours. La 300 ans qui prennent nos hommes, qui nous traitent comme des bêtes de somme, ça ne pouvait pas durer toujours. Ah, ça ira, ça ira, ça ira, les aristocrates à la lanterne. Ah, ça ira, ça ira, ça ira, les aristocrates, on les pendra. Le châtiment pour vous s'apprête, car le peuple reprend ses droits. vous êtes bien payé nos têtes. C'en est fini, messieurs les rois. Il ne faut plus compter sur les nôtres. On va s'offrir maintenant les vôtres. Car c'est nous qui faisons la loi. Rassaillera, saillera, saillera, les aristocrates à la lanterne. Rassaillera, saillera, saillera, les aristocrates on les pendra. Rassaillera, saillera, saillera, les aristocrates à la lanterne. Rassaillera, saillera, saillera, les aristocrates on les pendra. Rassaillera, saillera, saillera, les aristocrates à la lanterne. Rassaillera, saillera, saillera, les aristocrates on les pendra. Et au revoir tout le monde. Yes, goodbye, and this was Zaira. It will follow somewhat sanguine song by from the French Revolution, in which they... Et voici Le Diable de la Bastille par Piaf aussi. C'est un bourg à Santiago, à Whitechapel ou Bornéo. C'est un bourg à Santiago, à Rotterdam ou à Frisco. Hello boy, you come with me? Amigo, te quiero mucho. Libling, come dorm with me. C'est un bourg au ciel de pluie, quand les nuages vont en parlant, comme s'en vont les lourds chalands, le long des quais crevant d'ennui. C'est à Hambourg ou bien ailleurs, qu'à tous les gars en mal d'amour, qu'à tous les gars depuis toujours, moi je balance du rêve en plein cœur. C'est à Hambourg, à Santiago, à Whitechapel ou Bornéo. C'est à Hambourg, à Santiago, à Rotterdam ou à Frisco. C'est à Hambourg, au ciel de pluie, qu'il a posé ses mains sur moi et qu'il...